souris encore. Pourquoi tu me parles encore? Puisque tu le sais déjà, je suis Mina. Puisque tu le sais déjà, je suis Mina. Je suis Mina. Karine, c'est bizarre, tes yeux mentent aussi bien que ta bouche. C'est un mur. Il est Mina, il est Mina. Pourquoi j'ai cru avoir conquis l'esprit vif et belliqueux? Alors qu'en vrai, je suis Mina. Je suis Mina. La nuit est tombée sur la place. Je laisse d'autres courir à ma place pour les caprices de Karine.